FrenchPod.com. Allô pizza, bonjour. Bonjour, je voudrais commander une pizza pepperoni sans champignons et avec un supplément de fromage. Pour deux personnes? Non, pour quatre personnes, s'il vous plaît. Très bien. Une pizza pepperoni, quatre personnes, Sergio. Va bene. Autre chose? Oui, je voudrais aussi une reine, quatre personnes. Une reine, quatre personnes. Subito. Parfait. Alors, mademoiselle, pour deux pizzas achetées, vous avez une pizza et une bouteille de coca offerte. Que désirez-vous? C'est vrai, c'est une offre spéciale. Excellent. L'orientale, c'est bien celle avec des merguez, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et la pizza fruits de mer? Avec des fruits de mer, c'est bien ça. Il faut vous décider, ce n'est pas la même chose. Alors, une orientale, quatre personnes. Très bien. La livraison prendra 30 à 40 minutes. Votre adresse, s'il vous plaît?